Merci Manu Farine, à la semaine prochaine. Ce devait être l'événement vidéoludique de la fin de l'année dernière. Concomitant avec la sortie des nouvelles consoles Next Generation, le jeu que tout le monde attendait, Cyberpunk 2077, par le studio polonais responsable de l'excellente série de jeux The Witcher. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le rendez-vous a été raté. Problèmes techniques à gogo, retrait du jeu de la plateforme de vente Sony, demande de remboursement, bref, Cyberpunk s'est craché sur le mur du réel malgré d'indéniables qualités. Il ne nous en fallait pas plus pour replonger dans Night City. Depuis les origines du mouvement littéraire cyberpunk en passant par le jeu de rôle original, connectez vos implants. Cyberpunk is not dead, c'est le programme augmenté qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Mais avant d'aller déambuler dans les ruelles obscures de Night City, on commence par un tour de l'actualité scientifique de la semaine avec le Journal des Sciences et Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et pour commencer ce journal, une prépublication sur le site Archive des astronomes ont peut-être aperçu le fond des ondes gravitationnelles de l'univers. Oui, les ondes gravitationnelles, ce sont des ondulations dans l'espace-temps provoquées par les mouvements d'objets massifs, des collisions de trous noirs ou d'étoiles à neutrons, des supernovas ou encore le Big Bang. À l'instar du fond cosmologique diffus, il existerait une mer d'ondes gravitationnelles qui imprègne tout, ce qu'on appelle le fond des ondes gravitationnelles. Pour traquer les ondes gravitationnelles, les astrophysiciens du consortium Nanograv se servent des réseaux de pulsars synchronisés. Alors, un pulsar, c'est une étoile à neutrons qui tourne rapidement et régulièrement, et leurs faisceaux de lumière sont comme les tic-tac d'une horloge cosmique extrêmement précise. Lorsqu'une onde gravitationnelle traverse la même région de l'espace-temps que ses faisceaux de lumière, elle dérègle très subtilement ce tic-tac, et la lumière nous parvient avec un peu plus ou un peu moins de temps. Les chercheurs du Nanograv ont donc analysé les données de 45 pulsars sur 13 ans, et ils ont trouvé un signal d'onde gravitationnelle identique sur plusieurs pulsars. Ce bourdonnement étrange à basse fréquence pourrait être la première preuve du fond des ondes gravitationnelles. Mais pour le moment, nous avons encore besoin de beaucoup plus de données. Cette semaine, dans le Journal des Sciences, il a été question des capacités du coronavirus à attaquer les neurones, du stockage de données digitales dans de l'ADN de cellules vivantes, de la mort d'une galaxie très lointaine et du Covid long qui toucherait 4 malades hospitalisés sur 4. Mais également dans l'actualité des sciences cette semaine, Natacha, en ultra bref. Le sens de l'orientation, la boussole intérieure, des bébés tortues qui atteignent la mer aux pigeons voyageurs, on sait que la magnétoréception existe, la sensibilité au champ magnétique, mais cela reste difficile à prouver. Après plus de 10 ans de travail, une équipe japonaise vient de prouver en laboratoire la capacité des cellules vivantes à détecter les champs magnétiques. Leurs résultats suggèrent même que les champs magnétiques peuvent avoir un impact direct sur les réactions chimiques à l'intérieur des cellules. Après tout, les jumeaux identiques, les vrais jumeaux, ne sont finalement pas toujours génétiquement identiques. Certains jumeaux ont un nombre important de mutations qui ne sont pas partagées par leurs homologues. Après avoir séquencé les génomes de 387 paires de jumeaux monozygotes, une équipe américaine montre que nous avons sous-estimé les mutations précoces au cours du développement, avant celles qui apparaissent plus tard dans la vie. Et enfin, nous en parlions récemment dans la méthode scientifique, l'ornithorynque. Ce mammifère à bec, qui pond des œufs, qui sue du lait, qui est fluorescent et venimeux, des chercheurs ont séquencé le génome de cet étrange animal. Cette espèce possède des gènes d'oiseaux, de reptiles et de mammifères. Cet atlas du génome de l'ornithorynque est une clé pour mieux comprendre la façon dont d'autres mammifères ont évolué, y compris les humains. Dans quelques instants, nous serons les témoins de ce que la lutte entre les méga-corporations implique en termes de modifications corporelles cybernétiques. Mais avant cela, on ouvre le journal de la science-fiction. Et on commence ce journal avec une étude parue dans Scientific Reports. Une équipe américaine a doté un robot d'une forme primitive d'empathie. Et l'empathie, c'est cette capacité cognitive qui nous permet de comprendre les besoins et les intentions de ceux qui nous entourent. Chez l'humain, elle apparaît vers l'âge de 3 ans. En neuropsychologie, on parle du concept de théorie de l'esprit. Les chercheurs de l'Université de Columbia ont mené une expérience avec deux robots. Le premier a été programmé pour se déplacer systématiquement vers des points verts et pour choisir le plus proche de lui. Et parfois, un bloc rouge l'empêchait de voir les cibles vertes. Un deuxième robot, une IA, a observé toute la scène pendant 2 heures. Alors, comme un vieux couple qui peut prédire les mouvements de l'autre, cette intelligence artificielle a été capable de prédire toutes les actions du premier robot simplement en observant la scène. Et elle l'a fait avec une précision de plus de 98%. En d'autres termes, cette intelligence artificielle a réussi à se mettre à la place de son homologue et à voir le monde de son point de vue de robot. Ceci est peut-être une lueur d'empathie et les prémices d'une théorie robotique de l'esprit. En bref, et puisque c'est une émission consacrée au cyberpunk, une prépublication sur le site Archive mentionne des lentilles de contact qui permettraient d'avoir une vision surhumaine, Natacha. Oui, certains animaux ont la capacité de voir la lumière ultraviolette et de nombreux appareils électroniques nous permettent de voir ce qui est normalement caché. Cette équipe américaine a donc pensé à une lentille de vue qui permettrait de percevoir les UV tout en laissant passer le spectre de lumière visible et de voir normalement des lentilles de vue pour voir la lumière ultraviolette superposée à une vue normale. Alors selon cette prépublication, cette supervision, cette vue surhumaine serait possible avec des lentilles induites de nanocristaux de perovskite de seulement 10 nanomètres de large. En bref, toujours des astronomes pensent à créer une station Cérès, comme dans The Expanse, un habitat humain permanent en orbite autour de la planète naine Cérès. Ouais, Cérès, la plus petite planète naine de notre système solaire, qui se situe dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Dans une prépublication parue sur le site d'Archive, cette équipe finlandaise décrit une colonie de méga-satellites avec différentes unités habitables, interconnectées et évolutives pour terraformer Cérès. Alors, une station orbitale en permanente rotation pour simuler la gravité terrestre. Alors, pourquoi Cérès? D'une part, elle est riche en azote, ce qui est nécessaire pour une atmosphère terrestre. Et puis, pour la construction de cette station, je cite ce papier, extraire des matériaux depuis Cérès est énergétiquement bon marché. Cela serait possible à l'aide d'un ascenseur spatial. Et enfin, Cérès serait un tremplin idéal pour explorer l'ensemble du système solaire. Les chercheurs peaufinent encore leur projet. Le e-sport est au programme des Jeux Olympiques de 2022. Alors, c'est pas encore les Jeux Olympiques, ce sont les Jeux Asiatiques de 2022, l'Assemblée, mais c'est peut-être un premier pas, l'Assemblée Générale du Conseil Olympique d'Asie a décidé donc d'intégrer l'e-sport dans les disciplines officielles des Jeux de Hangzhou en Chine en 2022. Les sports électroniques sont déjà très populaires en Asie, mais la pandémie a peut-être changé les mentalités, le regard que l'on porte sur eux. Peut-être que des e-athlètes rejoindront bientôt les Jeux Olympiques. Selon une étude parue dans la revue Personality and Individual Differences, les films de zombies nous ont peut-être finalement assez bien préparés pour surmonter la pandémie de Covid-19. Oui, pour cette étude américaine, 310 participants ont répondu à un questionnaire sur leurs préférences en matière de films, puis sur leurs sentiments à propos de cette crise sanitaire. Il se trouve que ceux qui aiment les films d'horreur, les films de zombies et de science-fiction sont moins en détresse psychologique que les autres. Les férus de films post-apocalyptiques semblaient mieux préparés psychologiquement au confinement. Alors selon les chercheurs, ces films serviraient de répétition mentale et nous rendraient peut-être plus résilients face aux événements réels. Détruire l'escalier et rester à l'étage, c'est toujours la bonne solution pour survivre à une apocalypse zombie. Allez, comme chaque vendredi, Natacha, on termine par la rubrique de sciences improbables. Aujourd'hui, vous nous parlez d'une affaire de piratage informatique assez particulière et assez délicate. Je ne savais pas avant de faire cette chronique, mais il existe des ceintures de chasteté connectées. Ça s'appelle le Cellmate. C'est un jouet sexuel BDSM pour hommes, pour empêcher les érections. Et ce sextoy est connecté et contrôlable à distance. Alors en octobre, des chercheurs ont découvert que le Cellmate présentait une faille de sécurité et que des pirates informatiques pouvaient prendre le contrôle de l'appareil. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Des hackers ont pris des pénis en otage et ils ont exigé une rançon pour leur libération en bitcoins. Les victimes ont reçu par ce mail ce message « Maintenant ton pénis est à moi ». Le 21e siècle ne déçoit jamais. Eh ben, c'est parfait en tout cas pour repartir sur une émission sur le cyberpunk, parce que c'est vraiment typiquement une genre de situation qu'on peut rencontrer dans des univers cyberpunk, sauf que là, ça n'est pas juste avec une prothèse. Bon, bref, on va pas rentrer là-dedans. Merci beaucoup, Natacha. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve lundi pour le prochain Journal des Sciences. Merci, à lundi. Et donc, c'est un vendredi fiction et on avait toutes les raisons d'attendre avec une impatience démesurée, un soupçon frénétique même, le Cyberpunk 2077 du studio polonais CD Projekt Red. Et pour cause, le précédent jeu du studio, notamment l'indispensable Witcher 3, était d'incontestables réussites, mélange d'aventure, de jeux de rôle, d'action dans un univers plutôt adulte, dira-t-on, malheureusement. Et pour tout un tas de raisons qu'on pourra ou non expliquer, d'ailleurs, l'attente a été assez largement déçue au point où on pourrait parler d'une petite catastrophe industrielle. L'action du studio s'est effondrée en bourse, le jeu a été retiré de la vente sur certaines plateformes et des procédures de remboursement ont même été mises en place pour les joueurs déçus. Le cyberpunk est-il un univers inadaptable, trop sombre, trop adulte, trop complexe pour être appréhendé ailleurs qu'en littérature ou en jeu de rôle papier ? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Jeanne Rousseau, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice et directrice du studio Spiders. Raphaël Lucas, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes journaliste jeux vidéo et auteur de l'histoire du cyberpunk, des origines littéraires aux dérivés vidéoludiques. C'est édité chez Pix & Love. Et Daniel Tron, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'université Tours, chercheur en littérature et cinéma de science-fiction. Alors pourtant, je le disais, on va pas se mentir, ça se présentait pas mal cette affaire. Tu sais comment on fait pour savoir ce qu'on vaut vraiment? Putain! C'est quand on est face à la mort, qu'on la regarde en face. Johnny! Je m'occupe de toi. Sa pression chute! Choc neurogénique. Nous le perdons. Hé, tu m'entends? Ah, ma tête! Et maintenant? Maintenant, tu dois découvrir ce que tu dois faire. Tu n'as jamais reculé ou renoncé de toute ta vie. Même dans des situations où tu aurais dû. Tu traverses Night City en sachant que tu pourrais recevoir une balle perdue pendant que tu appelles un taxi. Mais ça ne t'a jamais empêché d'agir, d'aller où tu devais aller. Tu penses avoir trompé la mort. C'est la mort qui t'a trompé. Si tu dois tuer, tue. Si tu dois tout réduire en cendres, alors fais-le. Voilà la bande-annonce du jeu Cyberpunk 2077 développé par CD Projekt. Quand on voyait cette bande-annonce, et moi au premier chef, je cache pas que j'étais assez excité par ce projet, avec en plus Keanu Reeves dans le rôle de Johnny Silverhand, une sorte de présence qui va hanter le personnage principal que vous incarnez. Jeanne, vous avez pas été complètement convaincue par ce jeu. Vous pouvez nous dire déjà un peu, nous raconter ce que ça raconte et quelle a été votre expérience vis-à-vis de ce jeu? Alors effectivement, j'ai pas été complètement convaincue, même si tout comme vous, et je pense que comme énormément de gens, j'étais aussi très en attente par rapport à ce projet. Alors on joue le personnage de V, hein, donc qui commence. On a la possibilité de choisir à travers plusieurs petites histoires de départ, hein, qui racontent un peu notre passé. On peut être soit un nomade, donc issu plutôt des territoires qui sont autour de la cité. On peut faire partie donc d'une corporation ou faire partie d'être un gamin des rues. Mais finalement, bon, ces passés-là servent un petit peu à donner un tout petit peu de goût au début au personnage, mais n'ont pas énormément d'impact par la suite, puisque l'histoire va finalement être relativement linéaire, en tout cas l'histoire principale. Et on incarne donc ce personnage qui va devoir devenir très rapidement une sorte de mercenaire, hein, pour résumer, qui va accomplir toutes sortes de petites missions un peu louches, enfin très souvent louches, puisqu'il s'agit de... ça va du vol au sauvetage, voyage à la récupération de données, etc., qui accepte un petit peu toutes les missions bizarres et tordues qu'on peut imaginer dans une ville futuriste, et qui se retrouve en fait pris un petit peu pris au piège en ayant accepté une mission trop grosse pour lui ou trop difficile pour lui, et qui va effectivement cohabiter un peu contraint et forcé avec avec cette espèce de d'esprit. Bon, je veux pas trop spoiler le jeu non plus puisque c'est pas le but, je pense, de l'émission. Mais donc c'est une aventure qui emmène effectivement ce personnage à travers. Alors on retrouve les grandes thématiques du cyberpunk, la présence notamment des corporations, puisque un des méta ennemis du jeu, c'est la corporation Arasaka, donc une corporation d'inspiration japonaise qui domine un petit peu ce monde-là. On est très dans l'univers, on est très dans le, en tout cas vraiment dans la culture cyberpunk, c'est-à-dire que vraiment le jeu a priori coche quand même à peu près toutes les cases qui font l'essence de la nature de l'imaginaire cyberpunk. Alors effectivement, c'est une adaptation, je pense, relativement fidèle du jeu de rôle cyberpunk. Ils ont d'ailleurs travaillé avec l'auteur Mike Pondsmith. Donc je pense que là-dessus, ils ont rempli effectivement. On retrouve les corporations, tout ce qui est modification corporelle, transhumanisme, tout ce qui est aussi rapport à l'information, qui est quelque chose d'assez important quand même, tout ce qui est data, etc. Le côté dystopique, le rapport à la technologie qui est un peu déraisonné. Donc le problème, en fait, moi que j'ai ressenti en fait en jouant à cela, et vraiment c'est en faisant fi de tous les bugs qui ont pu être apportés et qui ont de fait causé beaucoup de problèmes à la société CD Projekt quand elle a sorti le jeu, c'est plus que tous ces sujets sont effectivement évoqués et présents, mais finalement je les trouve, on va dire, abordés de manière relativement superficielle. C'est-à-dire que c'est comme si c'était comme un décor extraordinaire, extrêmement complexe, mais on va pas au fond des choses en fait. C'est un peu ce que je reprocherais là-dedans. C'est d'ailleurs ce qui a été remonté aussi par pas mal de développeurs du jeu eux-mêmes, qui étaient finalement relativement frustrés du résultat final, sans doute parce que les pressions économiques ont fait qu'ils ont sorti le jeu un peu trop vite peut-être, et que d'ailleurs ils n'ont pas pu finaliser ou mettre tout ce qu'ils auraient voulu mettre dans le jeu. Mmh. Et du coup, on espère, en tout cas, moi, c'est le cas, que les prochains ajouts qu'ils vont faire dans le jeu, puisqu'ils vont continuer à ajouter du contenu supplémentaire, des patchs aussi, évidemment, pour essayer de résoudre autant de bugs que possible, vont finir par donner sa consistance à cet univers qui, honnêtement, pour l'instant, me fait l'effet d'une Ferrari avec un moteur de deux chevaux. On apprécie l'image. Raphaël Lucas, votre sentiment sur le jeu, et alors je vais le dire à grands traits, évidemment on va le préciser au fur et à mesure de cette émission, mais sur cette espèce de petite malédiction qui tourne autour de l'univers cyberpunk dans les différentes adaptations, qu'il s'agisse d'adaptations vidéoludiques ou cinématographiques, de faire que finalement c'est compliqué d'embrasser complètement cet univers, cet imaginaire cyberpunk qu'on va décrire ensemble, mais on manque toujours un petit quelque chose. Peut-être que c'est trop noir, trop sombre, trop torturé pour pouvoir en livrer une version qui soit acceptable par le grand public. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, si on prend l'origine du cyberpunk, à savoir nos romans anciens ou même des romans plus qui sont sortis un tout petit peu après, je pense notamment à Dr. Hader de K.W. Jeter, on est sur des choses qui sont un peu plus sombres en fait que ce que propose le jeu vidéo et ou le film d'ailleurs, les nombreux films qui sont sortis. On n'a jamais réussi. Il y a un problème d'adaptation du roman, enfin des romans de cyberpunk ou du mot cyberpunk, enfin de la phrase cyberpunk, parce que quand on regarde dans le, et je pense que d'autres intervenants pourront en parler, quand on regarde dans l'origine toutes les inspirations de William Gibson, donc l'auteur qui a écrit le roman ancien et qui a permis au cyberpunk d'émerger en 1984-85, quand on regarde ses origines, c'est Emmett, donc le Faucon Maltais, c'est Pynchon, donc des romans très sexués, on va dire. C'est Kadic, donc toujours le problème de la réalité et de ce qu'elle dit. Et tout ça, c'est constitutif du cyberpunk. Mais il y a aussi un autre élément qui est le jeu vidéo. Il y a cette anecdote de Gibson qui se promène dans les rues et qui voit une salle d'arcade avec des gens qui sont en train de jouer. Et il a l'impression qu'ils veulent s'immerger dans le jeu. Et donc on est au début des années 80 à ce moment-là. Et tout ça va créer tout ça. Le problème du cyberpunk, c'est que c'est un mélange, c'est une sorte de somme de plein de choses différentes qui sont amalgamées autour d'un ensemble, d'un petit groupe d'auteurs qui avaient plusieurs titles, les Neuromantics, les... Sterling, on en reparlera, on reviendra sur tous les auteurs. De tout ça, ouais. Voilà. Et un mot peut-être, rappel Lucas, sur votre expérience du jeu. Ouais, je suis assez d'accord avec Jeanne Rousseau, mais j'ai peur malheureusement que tous les patchs ne puissent pas réparer un jeu qui dans ses systèmes même, dans son intelligence artificielle, a des problèmes. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas du tout dans Cyberpunk, et c'est vrai que le jeu paraît finalement assez vide, assez linéaire. On est dans Night City, et au final, ce qui marche le plus, c'est pas ce qui est Night City, à savoir l'extérieur, les rues, qui sont vides de gens, qui sont vides de voitures. C'est parce que vous y avez joué sur un Amstrad aussi. C'est les scènes en non, pas du tout, mais en fait, j'ai joué sur PS4 et sur PC, les deux, pour voir justement les différences. Et les problèmes qui sont dans le jeu sont vraiment, il me semble impossible à réparer. Tous les bugs, on peut les réparer. Ça, c'est possible via patch, mais tout ce qui est problème d'intelligence artificielle, problème de système interne au jeu, me semble impossible à retravailler. À corriger. Night City étant la ville, l'exemple, enfin l'incarnation de toute la ville qui s'est mal passée dans le futur, hein, la métropole cyberpunk par excellence dans le jeu de rôle du même nom. Un mot, Daniel Tron, vous êtes un peu plus enthousiaste, j'ai l'impression. Le jeu vous a un peu plus séduit que vos deux camarades. Oui, bah disons que je pense que j'ai un avantage aussi, c'est que je n'ai absolument pas suivi toute la campagne de promotion qui a été absolument gigantesque pour le jeu, ce qui fait que j'avais très peu d'attente au final quand le jeu est arrivé. Et oui, je suis moins sévère parce qu'il y a première chose, j'ai joué sur un gros PC avec une carte qui faisait du ray tracing, donc j'étais exactement dans la configuration pour laquelle le jeu a été développé. Donc moi, j'ai eu absolument aucun bug qui m'a vraiment bloqué le jeu, etc. Vraiment des choses très très accessoires. Et alors il y a des choses que je partage, mais en même temps c'est un défaut de ses qualités. C'est-à-dire que le rendu de la ville frappe et assez fascinant. Dès le début, on a envie de tout découvrir, on a envie d'aller partout, et en fait, au fur et à mesure qu'on avance, de plus en plus, on se rend compte que c'est avant tout un décor très bien simulé, ce qui est assez dommage. Mais le jeu, en fait, en tant qu'ancien joueur du jeu de rôle papier, et ayant joué à Witcher 3 avant, je m'attendais à ce que ce ne soit pas réellement un jeu de rôle, comme Witcher 3. C'est-à-dire qu'on n'a pas effectivement les possibilités de classe de personnage comme on les a dans le jeu de rôle, c'est beaucoup plus dirigé. Les trois débuts donnent lieu à des débuts différents, hein, 20-40 minutes différents avec très peu d'impact par la suite, donc ça a été décevant. Par contre, il se rattrape énormément sur les différentes fins. Et le jeu a une énorme qualité, par contre, par rapport à Witcher 3, et c'est là, je trouve que vraiment, ça se rattrape, c'est que c'est très très bien écrit. On sent énormément l'influence des gens qui ont développé Witcher 3, qui ont joué à Red Dead Redemption 2 et se sont dit « bon sang, qu'est-ce que c'est bien !» et ont repris énormément de choses sur l'organisation de leur jeu. Donc ils sont pas allés chercher le plus mauvais en s'inspirant de Red Dead Redemption 2, mais on a le même type de construction, même au niveau alors de l'histoire principale, je vais pas révéler, mais il y a quand même un procédé qui est central dans Red Dead et qui est exactement le même dans Cyberpunk, mais même sur la conception du monde en différents comtés. Dans Red Dead, avec des bandes de hors-la-loi par comté, on a la même chose avec les gangs des rues, exactement. Red Dead Redemption, qu'il faut le rappeler, est un jeu qui se déroule dans un univers western. Oui, avec une reconstitution de la fin du 19e aux États-Unis qui est assez incroyable, et on sent vraiment à plein de niveaux que ça a été un peu leur modèle ludique, et c'est vers ça qu'ils sont retombés en fait quand. Au fur et à mesure des aléas du développement du jeu, ils se sont rendus compte qu'ils n'allaient pas aller dans un jeu de rôle ou aussi loin qu'ils voulaient aller. Mais par contre, là où le jeu, pour moi, se rattrape beaucoup, c'est vraiment la qualité d'écriture. Autant dans Witcher 3, on avait beaucoup de moments d'écriture qui étaient très bien, mais d'autres qui étaient absolument niais et pénible, notamment tout le rapport au personnage, tout le côté romantique, hein, ouais. Qui était très très mauvais dans Witcher 3. Dans Cyberpunk, c'est la première fois que j'ai des personnages avec lesquels je finis par coucher d'ailleurs, avec lesquels on a une relation progressive, crédible, fouillée. C'est le cas pour énormément de personnages. Un peu comme dans Witcher 3, les moments les plus intéressants finalement sont pas dans la quête principale, mais dans les missions annexes. Et peut-être un défaut du jeu, mais c'est un défaut qui en même temps est une qualité, c'est que parmi les choses les plus intéressantes dans le jeu en termes d'écriture, on tombe dessus presque par hasard. C'est en décidant de répondre à tel appel téléphonique ou de s'intéresser à ça qu'on se retrouve dans certains morceaux de scénario qui sont vraiment pour le coup très très bien écrits, très inspirés de choses précises. Et puis quand on est lecteur de cyberpunk notamment et de science-fiction, le jeu est entièrement construit sur des petites références qu'on trouve par endroit, par d'autres. Il y a des morceaux de texte, il y a une petite citation du Bic par moment, c'est pas cité directement, faut les reconnaître, c'est un vrai clin d'œil. Mais alors, la question derrière cette adaptation tout de même que je posais en début d'émission et que j'aimerais qu'on fouille un peu en détaillant exactement ce qui constitue l'essence finalement de cet univers cyberpunk, c'est est-ce que Jeanne, tout à l'heure vous citiez l'auteur hein, du jeu de rôle initial qui est d'ailleurs, je crois, la première version de 88, c'est Cyberpunk 2013, ça deviendra Cyberpunk 2020, on y est, donc maintenant c'est Cyberpunk V3, mais parce qu'on met plus de date, mais Mike Pondsmith disait, quelqu'un m'a demandé si Cyberpunk était politique, je lui ai dit que c'était toujours intrinsèquement politique. Est-ce que l'une des raisons pour lesquelles on est toujours un peu déçu par ces adaptations, ou pas d'ailleurs, hein, ou au contraire on est satisfait parce qu'il y en a évidemment certaines bonnes, c'est que appréhender un univers cyberpunk, c'est aussi appréhender un univers qui est intrinsèquement politique, Jeanne Rousseau. Oui, ça c'est certain. Je pense que il est évident que, notamment chez les studios AAA, la politique ça fait peur. Il y a une, on va dire que pour beaucoup de joueurs, l'idée de mettre de la politique dans les jeux vidéo, ils imaginent tout de suite forcément qu'on va venir leur faire la morale ou essayer de les manipuler pour qu'ils se mettent à voter à gauche. Alors évidemment, c'est pas le cas. Parler de politique, c'est pas forcément faire du prosélytisme. Il y a effectivement, moi je trouve, un parti pris qui est complètement absent. Et encore une fois, parti pris, ça veut pas dire forcément, encore une fois, essayer de convaincre les gens de voter Mélenchon. C'est beaucoup plus simplement de... Moi aussi, d'ailleurs, vraiment d'assumer des propos, d'assumer une réflexion sur la société. Et là, effectivement, c'est un peu ce que je disais. C'est cette idée de très beau décor, mais qui est un peu creux. Et alors, pour le coup, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait que c'est bien écrit. Je trouve que ça reste très, très adolescent, justement parce que finalement, toutes ces choses qui sont en plus extrêmement pertinentes aujourd'hui, que ce soit la réflexion sur le transhumanisme, que ce soit la réflexion sur les énormes corporations, et toutes ces choses qui sont... Black Mirror le fait très bien, par exemple, pas toujours, mais le fait quand même souvent très bien, de nous plonger dans cette espèce de regard glaçant sur un futur qui est finalement déjà présent. Là, on est dans quelque chose qui reste du pam-pam-boum-boum. Effectivement, on met un peu de fesses et puis on espère que ça va suffire à donner le côté punk. Et le fait, pour moi, de ne pas embrasser complètement cet univers qui est, de fait, par essence, extrêmement politisé, fait que, pour moi, c'est du punk de bazar, quoi. Le côté anarchiste, j'ai envie de dire, qui est normalement assez intrinsèquement lié au genre punk, est complètement absent. Et la réaction finalement qu'on a, c'est que c'est rigolo. Je pense que malgré tout, on passe un bon moment. Je précise que j'ai aussi évidemment un PC de guerre puisque je travaille chez moi, donc mon ordinateur est quand même plutôt bien adapté à ce genre de choses. Donc c'est encore une fois, mon propos est pas du tout lié ni au bug ni aux problèmes techniques qu'on peut avoir, même s'ils sont présents, mais vraiment plus au fond du jeu. Et ça, je suis assez d'accord pour l'instant. J'ai un peu du mal à voir comment ils vont pouvoir rattraper ça. Et je suis pas sûre en plus qu'ils aient envie de le rattraper, parce que un jeu qui a coûté autant à développer, parce que il faut aussi arrêter un peu avec le mythe du les petits développeurs polonais, ils sont plus de 1000, c'est une société qui était cotée en bourse avant que ça dégringolade à plusieurs milliards, donc il y a aussi une forme d'ironie, hein, parce que quelque part chez les corpos ils sont pas mal quand même. c'est quand même un très très gros développeur, probablement un des développeurs les plus gros du monde. Je dis bien développeur et pas éditeur. Et malgré ça, effectivement, ou plutôt à cause de ça, sans doute, ils n'ont pas pu prendre le risque de, je sais pas, de faire un jeu qui soit avec des angles. En fait, ils ont voulu faire un truc qui puisse plaire au plus grand public, et notamment un public qui reste assez adolescent pour certains, ou en tout cas, c'est comme ça qu'ils l'ont marketé. Et du coup, je pense qu'ils n'ont pas voulu prendre de risque. Alors, c'est une interprétation, peut-être aussi qu'encore une fois, c'est lié plutôt à des problèmes de temps de développement. Ça restera à découvrir par la suite face au retour des différents développeurs. Mais le fait est que c'est un peu décevant parce que ce côté piquant du punk finalement n'est pas complètement assumé de mon point de vue. C'est quoi alors précisément, comment est-ce que vous le définiriez Raphaël Lucas, le punk de cyberpunk? Qu'est-ce que c'est exactement que cette dimension politique dont parle, parce que vous évoquiez tout à l'heure les uns les autres William Gibson, donc neuromancien en 84, qui fixe un peu les jalons de cet univers cyberpunk avec Bruce Sterling et son anthologie Mozart envers miroir, mais néanmoins le Blade Runner de Ridley Scott, il est de 82. Kadic fait d'une certaine manière déjà quelque chose ou des incursions dans le cyberpunk. Donc comment est-ce qu'on le définit concrètement cet univers, Raphaël Lucas? Si on prend certaines références qui ont défini le cyberpunk dès les années 80, c'est une escroquerie, c'est un grand mélange, c'est tout et n'importe quoi avec un peu de situationnisme, etc., etc. En fait, comme je disais tout à l'heure, c'est que Gibson, lui, là, il fait une sorte de synthèse de tout. Du monde des années 80, en fait, du début des années 80, à savoir que soit une synthèse littéraire de tout ce qui sort de la Beat Generation et de Dick, donc de Pynchon aussi, mais aussi du jeu vidéo et de l'informatique naissante. Et ce que fait le cyberpunk, en fait, au tout début, c'est que c'est un cri, c'est un hurlement, c'est une manière de dire attention, il se passe quelque chose. La technologie est de plus en plus présente, on va dans la technologie vient en nous, elle nous contamine le corps. Et donc il y a tout ça qui se mêle et c'est dans ce sens-là que le cyberpunk est politique, c'est qu'il parle autant de cette technologie qui arrive et qui est de plus en plus présente, du corps et des entreprises, donc des méga corporations qui tentent justement de privatiser le corps par cette technologie, ou en tout cas l'influencer et l'envahir au fur et à mesure pour s'en servir. Daniel Tron, comment vous le définiriez? Quels sont les composants nécessaires? On parle de références anglo-saxonnes. On peut pas ne parler de cyberpunk pendant une heure sans faire référence également aux apports de métal hurlant en France. Si on peut. Ah, si on peut. Ok. Moi, si vous le dites, c'est vous qui le dites. Hein. En fait, quand on parle de cyberpunk. Il faut un peu désambiguer. On est à un moment de l'histoire de la SF et à un moment de l'histoire du monde assez particulier. Le fait qu'on l'appelle cyberpunk, qui est derrière un mouvement qu'on appelle comme ça, ça c'est toujours des choses un petit peu artificielles, mais disons qu'au moment, au début des années 80, effectivement, on a plusieurs auteurs qui vont cristalliser ou mettre en récit un imaginaire, donc un imaginaire science-fictionnel qui réagit à l'établissement de l'ultralibéralisme et donc qui projette effectivement la montée en puissance ou l'assujettissement du politique à l'économique, donc par le prisme grossissant d'une projection science-fictionnelle, ça aboutit assez naturellement à des méga-corporations qui prennent la place des gouvernements. On est au moment du début de la culture, effectivement, de l'informatique, des premières histoires, des premiers grands succès de génie de la technique, des Steve Wozniak, du magicien Woz, qui va dans son garage réussir à faire fortune et à conquérir le monde. Ça, on va dire que c'est pour l'imaginaire de la période. C'est vraiment le début, effectivement, de l'informatique et plus exactement de la micro-informatique. Parce qu'on n'est pas au début de l'informatique, on est effectivement au moment où l'informatique commence à être miniaturisée, à arriver dans les maisons. L'appareil, même procédé assez simple, on passe d'une pièce entière à quelque chose qu'on peut poser sous son bureau. Donc, on va imaginer qu'on va le réduire encore plus et qu'il va s'intégrer au corps. Mais en termes de science-fiction, on est aussi à un moment de, on va dire que la narration en science-fiction n'a pas cessé d'évoluer et de manière parfois parallèle, parfois croisée avec la littérature générale. Et le fait est qu'à ce moment-là, on a un certain nombre d'auteurs qui, dans la lignée de ce que Moorcock déjà et de la revue New Worlds à fin des années 60, début 70, a appelé de leur vœu, c'est-à-dire qu'à partir des fin 60, début 70, on a plusieurs mouvements pour une science-fiction plus littéraire, plus expérimentale dans ses techniques narratives, et qui va en fait, de manière assez naturelle pour certains auteurs, commencer à regarder du côté de la littérature donc générale des années 70, du côté du postmodernisme, donc va renouveler en fait un ensemble de procédés narratifs. Alors Dick le fait bien avant, hein, Dick se réclamait comme héritier à la fois de la Beat Generation et de la science-fiction de l'âge d'or, et va commencer bien avant le début réel de la micro-informatique à développer des thèmes qui vont devenir des thèmes centraux dans le cyberpunk. Et donc cette espèce d'ensemble d'auteurs, quand le cyberpunk arrive, c'est un imaginaire qui se déploie. Au départ, c'est vraiment un imaginaire qui se déploie à la fois en littérature et à la fois au cinéma. Mm-hmm. Tous les thèmes sont déjà là, sont déjà prêts. On peut s'amuser à les chercher avant les thèmes qui ont déjà été développés, mais ça s'inscrit réellement dans l'histoire du genre à ce moment-là. Et on a donc un ensemble, on a Blade Runner, mais avant, dans le même univers... Deux ans avant le romancier, ouais. Blade Runner. Et Gibson a vu les 20 premières minutes de Blade Runner, les premières images d'effets spéciaux que Dick, d'ailleurs, avait vues juste avant de mourir, et en se disant, mince, il va falloir que je réécrive ce que j'ai fait, parce que c'est exactement ça. Et la chose amusante avec cette esthétique-là, c'est que c'est finalement la rencontre, donc la réinterprétation d'un clair-obscur qui date au cinéma finalement près des expressionnistes allemands et qui a été récupéré évidemment par le film noir et qui se double de beaucoup de références aux détectives, hein, donc ce sont beaucoup d'histoires de détectives qu'on a. Et une autre influence sur Gibson et qu'on retrouve dans Neuromancien, c'est New York 97, dont il reprend d'ailleurs le procédé. Voilà, de Carpenter, et quand il le voit, d'ailleurs, il reprend d'ailleurs cette idée, parce que c'est un personnage totalement anarchiste. Si on devait prendre un premier personnage, un premier cyberpunk, c'est Snake Plissken, qui décide à la fin du film d'éteindre le monde. Donc ce côté anarchiste... Le premier visage de Case, à votre avis, c'est ce personnage qui est interprété par Kurt Russell chez Carpenter. Disons que Case a exactement le même problème, c'est-à-dire que celui qui l'embauche... Case qui est le héros de Neuromancien, De Neuromancien, lui injecte un poison dont il peut ouvrir les capsules à tout moment s'il ne fait pas exactement ce qu'il lui dit. Donc le procédé, l'idée est reprise directement dans New York 97. Et donc on a un ensemble d'œuvres là qui, avec des histoires très différentes... vont effectivement cristalliser une esthétique qui s'inspire du film noir, à la fois esthétiquement, donc projeté dans le futur, avec beaucoup de références justement au film noir, au récit d'enquête, et de cet imaginaire, donc, qui est à la fois un imaginaire économique, de projection pessimiste du capitalisme triomphant, l'imaginaire de l'informatique naissante à ce moment-là, et se mélange à ça évidemment par le truchement de la musique, qui est évidemment extrêmement important, la continuation de la contre-culture américaine à la culture, au cri de colère du punk, effectivement, et à partir de ces... Et on a donc tous ces différents éléments, et par contre, je souscris pas du tout à l'impossibilité d'adapter le cyberpunk, puisque c'est pratiquement... l'imaginaire, on va dire, de type de monde de SF qui a certainement le plus de succès. C'est-à-dire que Blade Runner a marqué l'esthétique du film de science-fiction jusqu'à aujourd'hui. Depuis 3 ans, le nombre de productions qui se passent dans des villes sombres, dystopiques, avec des modifications corporelles, on pourrait parler d'Altered Carbon récemment sur Netflix, c'est un genre très très très privilégié en termes d'adaptation cinématographique et on compte avec des réussites variables tout de même, hein, parce que Altered Carbon, l'adaptation était quand même pas extraordinaire à mon sens. C'était un peu ça ratait un peu son ambition quand même, hein. Alors là je détache complètement mon avis du côté commercial, c'est-à-dire qu'en termes de production, c'est une production extrêmement luxueuse. Tout à fait. On a rarement eu une série comme ça qui directement part pour 2 saisons avec un tel budget. Et puis dans les quand même les petits succès du cyberpunk, mis à part Blade Runner, on a quand même la trilogie Matrix. Bien sûr. Sur un autre aspect, sur l'aspect du Netrunner, mais on y reviendra. Il y a quelque chose que j'aimerais qu'on adresse tout de même, parce que c'est là aussi, on l'a dit en filigrane, mais au centre de la thématique de cet imaginaire cyberpunk, c'est évidemment l'emprise donc de ces corporations sur la société. Elles se substituent aux États, elles se font la guerre d'ailleurs, ces corporations. Hein, dans le jeu de rôle initial, il y a des guerres étatiques qui sont ensuite remplacées par des guerres entre les corporations. Et puis leur emprise, elle n'est pas que sur les sociétés, elle est également sur les corps, puisque ce sont ces corporations qui vendent les ajouts cybernétiques et les implants que les êtres humains finissent par posséder en fonction de leur catégorie sociale. Et ça donne une autre bonne adaptation qui traite exactement cette problématique que peut être le fait d'avoir des membres cybernétiques et de ne plus être capable à un moment donné de payer le crédit. Bah, quand on ne peut plus payer le crédit, on saisit les membres cybernétiques implantés. Quand c'est le cœur, ça pose problème. Ça m'a pris du temps, mais je crois avoir enfin compris. Pourquoi le scientifique a mis le chat dans la boîte? Il essayait de nous dire quelque chose. On est tous vivants. On est tous morts. On est tous comme ce chat. Et on doit faire un choix. Soit on ronronne et on se lèche en attendant que le poison nous achève. Ou on crie, on se démène et on griffe jusqu'à ce qu'on sorte de cette maudite boîte. Accepté. Compte client incomplet. Veuillez scanner l'item suivant. Extrait de Ripomen de Miguel Sapochnik, sorti en 2010 avec Jude Law et Forest Whitaker, qui est une adaptation du livre d'Eric Garcia, The Repossession Mambo, où on suit donc ces hommes qui sont chargés de récupérer les membres cybernétiques qui ont été implantés lorsque les personnes chez qui elles ont été implantées ne peuvent plus les rémunérer. C'est cet aspect aussi vraiment absolument viscéral et organique, Jeanne Rousseau, qui est indissociable du cyberpunk, et avec là une interrogation qui est passionnante et à côté de laquelle passe complètement le jeu Cyberpunk 2077, c'est que c'est bien beau de s'augmenter, mais déjà tout le monde n'a pas les moyens de le faire, et puis plus on s'augmente, moins on est humain, et ben plus le personnage nous échappe, plus l'humanité, plus notre âme nous échappe en quelque sorte. Alors effectivement, c'est à la fois, c'est malgré tout évoqué, hein, c'est évoqué notamment dans des quêtes secondaires, et puis bon, il y a cette on va dire ce gimmick qui revient avec John Silverhand qui est présent malgré tout, et qui il y a toute cette discussion malgré tout autour de l'âme, hein, qui est présente, mais finalement il y avait une mécanique dans le jeu de rôle sur table, hein, sur le vieux jeu de rôle qui n'ont pas incluse, qui est le fait de devoir effectivement veiller à son humanité, c'est-à-dire que plus dans le jeu de rôle, plus on s'ajoutait des implants cybernétiques à son personnage, hein, donc pour l'améliorer, pour le rendre plus puissant, efficace, intelligent, etc., plus on perdait en humanité, en fait. Et c'était une mécanique de jeu réellement intégrée dans les règles qui permettait, je pense, pour chaque joueur de devoir gérer ça en permanence, de devoir s'accrocher à leur humanité sous peine de devenir complètement fou. Et là, c'est quelque chose qu'on voit de manière extérieure à soi. Donc, encore une fois, mis à part cette histoire de puce qui nous fait cohabiter avec un autre personnage, mais qui finalement n'est pas lié justement à cette problématique-là, qui est plutôt une histoire de bug, on va dire, ou de dysfonctionnement. Mais qui n'est pas lié à cette mécanique. Et on en entend parler effectivement des cyberpsychos qui sont un peu autour de nous, etc. On doit gérer des attaques de ces types qui sont devenus cinglés, mais à aucun moment on met le joueur effectivement face à ce choix de est-ce que je m'augmente pour me rendre plus puissant au risque effectivement de devenir comme eux, ou finalement est-ce que je décide de rester complètement humain ou autant que possible évidemment dans le cadre du jeu. Et je trouve ça effectivement relativement dommage, parce que c'était une manière dans le jeu de rôle traditionnel d'embrasser ce propos, en fait, qui du coup a été mis de côté. Et là on a une mécanique qui est complètement lisse. On peut s'augmenter absolument autant qu'on veut, uniquement effectivement dans la limite des moyens réunis par le joueur. Mmh. Mais finalement, il n'y a pas du tout cette notion-là. Mmh. Et la réflexion sur les modifications du corps, en plus, on parle beaucoup d'âme, moi, ce qui est toujours un terme qui me gêne un petit peu. Bon, je ne suis pas quelqu'un de très religieux, donc forcément, ça me fait tiquer. J'ai tendance à croire que notre humanité ne repose pas dans la notion d'âme, mais dans quelque chose d'autre, alors à définir peut-être. Mais effectivement, du coup, je trouve que la réflexion, et encore une fois, c'est ce sujet-là, mais c'est valable aussi sur d'autres sujets, hein, c'est aussi valable sur les corporations, sur ces autres thèmes, n'est vraiment qu'effleuré et finalement présenté de manière extérieure aux joueurs, ce qui fait que on est témoin, on regarde encore une fois une sorte de pièce de théâtre, mais on n'est jamais complètement concerné par ces problématiques. C'était déjà un peu le cas dans l'autre grand jeu vidéo cyberpunk qui s'est décliné d'ailleurs en trois numéros, Deus Ex, hein, où on voyait des personnages secondaires qui avaient trop d'implants et qui finissaient par perdre leur humanité, mais ça ne concernait jamais complètement le personnage principal, Raphaël Lucas. Oui, et en même temps, Deus Ex, et surtout les deux derniers, parlent aussi de racisme anti-augmenté. Bien sûr. Donc la thématique est très présente sur l'augmentation, sur ces personnages qui des agents ou des loubards, on va dire entre guillemets, ou des personnes de tous les jours qui s'augmentent et sont mis de côté en fait dans un des derniers épisodes dans Mankind Divided. Oui, et donc en fait dernier épisode en date. Oui. C'est vrai que très souvent l'augmentation ou justement le rapport à l'âme entre guillemets est souvent mis de côté dans le jeu vidéo. Soit on des neuromanciens, le premier jeu vidéo, première adaptation, s'augmenter, c'est juste une question de gagner de l'argent ou en perdre, etc., etc. On peut vendre des organes dès le premier jeu. Des premiers neuromanciens, et dans les jeux qui vont suivre, ça devient une sorte de gimmick, juste un outil pour le développeur, pour permettre, parce que l'augmentation est une convention du cyberpunk, juste un outil pour le développeur, pour permettre aux joueurs d'avoir de nouvelles facultés dans le monde. Par exemple, dans des jeux fin des années 80, voire début des années 90, placer un processeur sur son personnage n'a pas plus d'implication que donner des bonus au joueur et lui permettre d'interagir différemment avec son environnement. Daniel Trombe, peut-être un mot là-dessus, sur cette dichotomie augmentation perte d'humanité, et puis peut-être un mot aussi parce que là c'est aussi un jugement un peu personnel, mais sur ce film Ripomen qui est plutôt qui figure plutôt dans le top des adaptations réussies de l'univers cyberpunk. Vous n'êtes pas d'accord. Non, en fait, je suis pas d'accord. Alors, comment dire? En tant que joueur du jeu de rôle, oui, j'ai été un peu déçu. Comme je disais, c'est la partie, moi, qui me décevait en tant que joueur de jeu de rôle, effectivement, qu'il n'y ait pas tous ces mécanismes-là. Une chose qui m'a frustré, notamment, c'est que l'arbre des augmentations nous permet pas d'aller très loin. D'ailleurs, c'est une des vraies déceptions du jeu, c'est le fait de ne pas pouvoir changer son apparence en cours de jeu. On peut changer ses organes internes, mais on peut pas se faire une hypossution, ça, ni une permanente, quoi. Mais ça, c'est assez bizarre, mais c'est assez symptomatique. Et du coup, c'est vrai que c'était un peu déstabilisant. Après, quand même, c'est les moments où vraiment c'est traité et où on le vit, il y en a pas assez. Clairement, il n'y a pas assez de séquences où on est vraiment dans la matrice. C'est très dommage. Par contre, sur les Cyber Psychos, un des plus impressionnants qu'on rencontre d'ailleurs dès le début, avant de le retrouver beaucoup plus tard, arrive dès le début et permet en fait d'avoir. On découvre en fait le personnage le plus symptomatique et qui renvoie le plus au cyberpsycho du jeu dès le début et au fur et à mesure qu'on fait les différentes versions de la fin et les quêtes et certaines quêtes liées à Johnny Silverhand, à Keanu Reeves, on a quand même du fond bien écrit sur deux trois personnages et qui s'étoffe quand même pas mal. Le dilemme final est totalement lié à ça. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'il y a des moments, faut aller grappiller en fait, c'est-à-dire que mais c'est quand même extrêmement présent, c'est-à-dire que la frustration finalement je l'ai pas eu tant que ça, parce que c'est extrêmement présent. Et d'ailleurs la série de missions lié au Cyber Psychos, justement, bon, c'est un des fixers qui nous donne des contrats au fur et à mesure. C'est la série la plus longue du jeu, mis à part les quêtes principales. Mmh. Hein, il y en a pratiquement une vingtaine qu'il faut aller chercher et qu'il faut essayer de ne pas tuer, d'ailleurs, hein, de manière non létale. Donc, j'ai trouvé que c'était quand même beaucoup développé, effectivement, dans les shards. On récupère des éclats, en fait, des puces qu'on peut s'implanter avec des textes. Il y a beaucoup, beaucoup de quêtes annexes qui finissent quand même par traduire de manière assez fidèle, assez juste et par moments assez brillante cet élément d'univers. Mais le fait est que il y a un côté puzzle. C'est ventilé sur l'ensemble de la ville, sur l'ensemble de missions, sur l'ensemble de choses. Et j'ai tendance à dire que ouais, pratiquement quand on l'a pas fini une fois, faut pratiquement avoir fait deux fins pour voir, ce qui est un peu dommage, mais bon. Bon. Et un mot sur Ripomen? Ah bah Ripomen, bah comme on l'évoquait tout à l'heure, c'est un film qui est à la fois qui est presque comique tellement il est outrancier. Ah oui, c'est vous. On est vraiment sur cette idée de ce qui est une idée juste monstrueuse, hein, que effectivement les organes sont des outils, sont des objets comme les autres, sont des nouvelles voitures qu'on paye à crédit et quand on veut plus la payer, eh bien évidemment c'est le propriétaire qui vient les récupérer. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Ripomen, pour être tout à fait honnête. J'ai avoir du mal à dire des choses précises. Non, mais c'est parce qu'il me semble. Par ailleurs, je trouve que c'est plutôt une assez bonne adaptation de l'esprit du cyberpunk et de la politique dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la privatisation des organes, poussé à l'extrême. Ouais. C'est ce qu'on a dans Robocop de manière aussi très très très très précise, hein, où on a une appropriation directement de l'identité. Mais il y en a un qu'il faudrait citer quand même, parce qu'il est beaucoup moins connu, mais c'est peut-être une des meilleures adaptations cinématographiques vraiment du cyberpunk, c'est Nirvana de Gabriel Salvatores, oui, qui est un film de 97 avec Christophe Lambert, tout à fait, dans lequel d'ailleurs ils ont repris directement l'idée des puces de personnalité en forme d'éclat. D'ailleurs, ils appellent ça des puces karma dans Nirvana, mais on a exactement les mêmes dans Cyberpunk, avec ce rapport en fait d'un auteur de jeux vidéo qui est sur le point de qui est un des plus grands auteurs de jeux vidéo de la planète, qui est sur le point de lancer son prochain jeu vidéo, donc qui s'appelle Nirvana et qui donc est fait pour être joué avec un casque de réalité virtuelle, et qui la veille, enfin quelques jours avant le lancement, est contacté par le héros de son jeu, qui a été infecté par un virus qui lui a donné une conscience, et donc le héros du jeu vidéo prend conscience du fait qu'il vit dans un jour sans fin et qu'en fait sa vie est un enfer et qu'aucun, en plus de ces des ce qu'on appellerait les NPCs, hein, les personnages non joueurs, que du coup il arrive même pas à les convaincre du fait qu'ils ne sont que des êtres numériques, et qui va donc envoyer le créateur du jeu dans une grande quête en fait pour réussir à effacer le jeu des serveurs de l'Okosama Star, de la corpo japonaise pour laquelle il travaille, afin qu'il n'ait pas à vivre cette espèce d'enfer nietzschéen récurrent. Daniel Tranche, je vous interromps parce qu'on arrive dans les dernières minutes de cette émission, et quand on parle de la meilleure adaptation de l'univers cyberpunk qui ait pu être faite au cinéma ou dans d'autres médias, je pense qu'on ne peut pas ne pas parler de ça. Oh. On a coincé ces clones près de la voie express numéro 5. Tu m'as fait peur. Va plus doucement, mon vieux. C'est parce que t'as pas la conscience nette que tu flippes. T'as qu'à vendre des consommations normales de temps en temps. Toi, t'as qu'à consommer. C'est pas un nightclub ici. Et boire ta pisse de chien. Double rotor céramique. Deux roues motrices. Putain, cet engin a même l'ABS et un système électronique. Super, 12 000 tours minute. Envie de la conduire, Tetsuo? Bon, allons-y. Cette moto a été conçue pour moi. C'est trop pour un morveux comme toi. Cette moto te concasserait comme une vulgaire olive, mon vieux. Je pourrais la conduire. Ne me fais pas rire. Va d'abord apprendre sur un tricycle. Mmh. Voilà, vous aurez sans doute reconnu un extrait d'Akira de Katsuhiro Otomo, adapté du manga du même nom. En deux mots, puisqu'on arrive vraiment à la toute fin de cette émission, j'aimerais vous entendre, vous, puisque ça c'était un peu ma recommandation à moi avec Ripomen. Jeanne Rousseau, pour vous, quand on s'intéresse au cyberpunk, qu'est-ce qu'il faut lire, voir, écouter, jouer ? Alors en jeu vidéo, moi je vais parler pour le coup d'un vieux jeu, puisqu'il y avait eu une adaptation vidéoludique de Blade Runner. Oui, tout à fait, qui était très bonne d'ailleurs. Oui, et justement, elle est très très bonne. Alors elle date un peu, évidemment, ça a vieilli, mais c'était un jeu d'aventure, donc au final, le choc graphique n'est pas si horrible que ça. Et c'était une très bonne adaptation de Blade Runner, avec vraiment un très très bon respect de l'univers, et on retrouvait à la fois les codes du polar ou du roman noir, et tout cet univers finalement très très particulier. Et vraiment, encore aujourd'hui, il reste très pertinent. Donc, je vous conseille d'y jeter un œil. En plus, il doit être trouvable vraiment à pas cher, hein, sur Good Old Games, par exemple. C'était dans les années 90, hein, parce que je me souviens d'y avoir joué. Fin 90, oui. Ouais. C'est 1997, si je ne me trompe pas. Oui. Raphaël Lucas, quand on veut se plonger dans l'univers cyberpunk, que faut-il lire, écouter, voir, jouer ? Alors, je proposerais presque d'écouter Cyberpunk de Billy Idol, mais en fait, non, en fait, je proposerais plutôt de jouer à Prey, qui est pas un jeu cyberpunk pour le coup, qui est un jeu, on va dire, plutôt biopunk, donc plutôt une tendance qui s'est un peu séparée, un dérivé, parce que Prey parle autant de réalité virtuelle que justement d'évolution de son ADN et d'acceptation d'un autre ADN dans son corps. Donc, si on remplace l'ADN alien par des augmentations électroniques ou informatiques, on est un peu dans le même discours un petit peu, et il le fait beaucoup mieux que Cyberpunk 2077. Prey, qui est un jeu assez récent, hein, qui se passe dans une station spatiale complètement désertée ou voilà, hantée par des espèces de fantômes extraterrestres. Un mot pour conclure, Daniel Tron, également pour s'initier au cyberpunk. On commence par lire du Philip K. Dick pour d'une manière générale, de toute façon, mais bon, évidemment, les androïdes rêvent-ils de moutons électriques? Évidemment, on lit du Gibson, on lit Neuromancien, on peut lire les suites aussi, mais on lit aussi du Bruce Sterling, évidemment. Bien sûr, Mozart envers miroir, l'anthologie. Mais surtout, on n'oublie pas d'aller lire Snow Crash et l'âge de diamant de Stevenson. On va lire évidemment La Cité des Pères Mutants de Greg Egan. Oui. Ce serait quand même dommage de passer à côté. J'en oublie plein là. L'idée n'est pas d'être exhaustif. L'idée, c'est plutôt de pointer ce qui semble le plus intéressant quand on veut explorer cet univers. On joue encore Jeanne Rousseau à Cyberpunk, le jeu de rôle sur table. On n'a pas parlé de Shadowrun du tout, qui est une forme intéressante d'exploration de l'univers cyberpunk mêlé avec la fantasy. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je trouve que les jeux vidéo qui ont été faits avec Shadowrun Returns, mais surtout Dragonfall, qui est une très bonne adaptation, sont plus punk. Alors que bon, ils n'ont pas du tout les mêmes moyens. C'est du jeu indé, un peu brinque-ballant, mais finalement, l'esprit punk, à mon sens, est plus présent dans cette vision d'Amberland Future, puisque dans Shadowrun, on retrouve à la fois tous les codes du cyberpunk. Hein, d'ailleurs, beaucoup de termes sont les mêmes. Hein, on retrouve les fixeurs, etc. Mais avec l'ajout de la magie, puisqu'il y a eu un réveil de Gaïa et la goblinisation qui a fait se réveiller. Donc c'est une sorte de mélange assez improbable de Tolkien et du cyberpunk. Mais ça donne des choses assez intéressantes. Et effectivement, le jeu de rôle sur table est aussi un très bon moyen de s'initier, que ce soit avec cyberpunk ou avec Shadowrun. Et on fera un jour un épisode sur le steampunk. On pourra parler de l'excellent jeu Gridfall développé par les studios Spider, que vous représentez ici, Jeanne Rousseau, qui est un très très bon jeu vidéo que je conseille également à nos auditrices et à nos auditeurs. Merci beaucoup à tous les trois. Jeanne Rousseau, donc, vous pouvez jouer notamment à Gridfall, mais pas que, Technomancer, on en avait déjà parlé à cette émission, n'hésitez pas. Raphaël Lucas, on peut vous lire l'histoire du cyberpunk, des origines littéraires aux dérivés vidéoludiques, c'est chez Pix & Love. Et Daniel Tron, merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Neuromancer, Neuromancien, qui a été retraduit très récemment, qui est disponible aux éditions du Diable Vauvert, avec une nouvelle traduction de Laurent Kessy. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Alexandre Morales, Antoine Beauchamp, Céline Lozen, Noémie Agathe Saint-Vulfranc, Eve Etienne, Olivier Bétard à la réalisation et Théo Gomard à la technique. La semaine prochaine, lundi, nous évoquerons la progression de la dengue, cette maladie qui arrive en France suite à l'extension de la pullulation des moustiques tigres dans notre pays. Mardi, nous parlerons de Saturne et Jupiter suite à la grande conjonction qui a eu lieu au mois de décembre. Nous raconterons comprend l'histoire intimement liée de ces deux planètes géantes de notre système. Mercredi, nous évoquerons la question de la sécurité des données de santé. Jeudi, Soir des sciences, nous parlerons d'Hippocrate et de son fameux serment. Vendredi prochain, ce sera une table ronde consacrée à l'actualité des sciences et de la recherche. Demain, il sera question de mécanique quantique dans la conversation scientifique du camarade Étienne Klein. Nous, on se retrouve lundi à 16h, jusqu'à preuve du contraire.